Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Pour moi, c'est mon cinquième fois de donner cette conférence en français, donc j'espère que c'est possible de m'entendre. Et en fait, j'ai un peu de peur parce que c'est ma première fois pour parler dans une synagogue. Et il faut, avec ce texte aujourd'hui, nous allons regarder la Genèse, chapitre 1, et il faut que nous discutions un peu la langue hébreu. Et selon moi, je pense que tout le monde ici comprend des cours meilleurs que moi, mais c'est une opportunité pour mon éducation. et aussi, je vais aujourd'hui partager avec vous quelque chose qui m'a aidé beaucoup avec ma foi. J'ai commencé avec ma foi chrétienne quand j'ai eu 4 ans. 4 ans. Donc, c'est plus jeune, n'est-ce pas? Et je ne suis pas physicienne quand j'ai 4 ans. Mais après cela, j'ai commencé à étudier la science et j'ai peur parce que c'est difficile pour moi dans ce temps-là de croire comment on peut être scientifique à la fois et aussi chrétienne à la fois. Et je suis très heureuse que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Et il s'appelle Hugh Ross. Il est astrophysicien et pour la plupart, les infos que je vais partager aujourd'hui viennent de lui. Donc, si vous avez beaucoup de questions en plus, s'il vous plaît, regardez sur le site internet raison.org. C'est raison.org. C'est en anglais pour la plupart, mais il y a un livre en français. raison.org. Reason.org. Merci. Donc, merci encore pour m'avoir invité. Je suis physicienne, je suis une scientifique. Donc, j'étudie l'univers que Dieu a créé. Et je suis aussi chrétienne. Et de temps en temps, ces deux choses, c'est difficile pour les gens de comprendre. Comment on peut être à la fois chrétienne et à la fois scientifique. C'est pas difficile pour moi, mais j'espère que à la fin de cette conférence, ça ne serait plus difficile pour vous. Par exemple, quand j'étais en césar, quand j'étais étudiante doctorat, j'ai eu un professeur qui a invité toute la classe chez lui pour le dîner. Et moi, j'ai arrivé un peu tard, désolée, je suis en retard. Et c'est sa femme qui m'a rencontrée à la porte de la maison. Et elle m'a dit, vous devez être Erika. Et j'ai dit, oui madame, c'est moi, je suis Erika. C'est pas difficile de deviner mon nom parce que j'étais la seule dame dans la classe. C'est comme ça dans la physique aux États-Unis. Puis, elle m'a dit, mon mari dit que vous êtes religieuse. Et j'ai dit, oui madame, je suis religieuse. Puis, elle dit, croyez-vous dans la création? Et j'ai dit, oui madame, je crois dans la création. Je crois que c'est Dieu qui a créé l'univers. Puis, elle dit, croyez-vous dans le Big Bang? Et j'ai dit, oui madame, je crois aussi dans le Big Bang. Et après toutes ces questions comme ça, elle m'a invité d'entrer dans sa maison, mais pas avant toutes ces questions. Mais elle a fait une connexion très intéressante. Selon elle, c'est difficile de comprendre comment on peut être à la fois chrétienne et à la fois scientifique sérieuse. C'est une connexion intéressante. Donc, avez-vous entendu parler de cette idée que c'est peut-être un petit conflit entre la science et la foi? Oui, oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est la science? La science, dans la science, les êtres humains essayaient de comprendre l'univers que Dieu a créé. N'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu comprend le moyen dont il a créé l'univers? Oui, oui, merci. Bien sûr, Dieu comprend le moyen dont il a créé l'univers. Non. Croyez-vous que Dieu comprend la science? Ah oui, bien sûr, Dieu comprend la science. En fait, il a inventé la science, n'est-ce pas? Donc, Dieu comprend la science. C'est possible de finir ici, au revoir, bonne journée, c'est tout. Non, tous les détails, n'est-ce pas? Non. Aussi, Dieu a écrit la Bible. Oui. Donc, croyez-vous que c'est possible pour Dieu d'écrire quelque chose dans la Bible qui est en contradiction avec la nature qu'il a créée? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Dieu a créé la nature et Dieu a écrit la Bible. Donc, c'est pas possible pour la nature et la Bible d'être en contradiction. Elles ont la même nature. N'est-ce pas? Mais, donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une contradiction? C'est à cause de cela. La science, c'est pas la même chose que la nature. La nature vient de Dieu. Mais, dans la science, c'est les êtres humains qui essayaient de comprendre la nature. Et, en même temps, la théologie, c'est pas la même chose que la Bible, n'est-ce pas? La Bible vient de Dieu, mais dans la théologie, les êtres humains essayaient de comprendre la Bible. Donc, c'est pas possible pour la nature et la Bible d'être en contradiction. Mais, c'est possible pour la science et la théologie d'être en contradiction. Parce que les êtres humains ne savent pas tout. Nous ne sommes pas omniscients. Mais, c'est une opportunité pour apprendre en plus. N'est-ce pas? Donc, commençons en regardant la Genèse, chapitre 1er. Excusez-moi. Et on lit le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu créa les cieux de la terre. Et c'est dans quelle langue, cette passage? Ah oui, c'est hébreu. Tout le monde ici, c'est bien, c'est hébreu. Quand on regarde dans Hébreu cette phrase, les cieux et la terre, avec les cieux au pluriel et la terre au singulier, ça veut dire l'univers entier. Donc c'est l'univers entier. Donc on peut dire que le premier verset commence comme ça. Au commencement, Dieu créa l'univers entier. Et aussi, la Bible parle dans le commencement. C'est au commencement, Dieu créa l'univers entier. Donc, ça veut dire que la Bible dit que l'univers a eu un début. C'est un moment que, quand Dieu a démarré notre univers, selon la Bible. Et la science, qu'est-ce qu'elle dit dans ce sujet? Dans la science, on parle d'une idée du Big Bang. Le Big Bang, c'est comme ça. C'est l'idée qu'il y ait un début pour l'univers qu'on connaît. C'était une grande explosion. Comme ça. Comment est-ce qu'on sait cela? C'est le cas de cela. Quand on regarde les galaxies et les étoiles ou l'univers, on voit que toutes les galaxies s'éloignent de la Terre. Et, en plus, chaque galaxie s'éloigne des autres galaxies. Comme ça. Donc, c'est comme une grande explosion. Et ça veut dire que dans le passé, toute la matière, toute l'énergie, toutes les choses dans l'univers, c'était dans un espace très petit. Comme ça, plus petit qu'un point à la fin d'une phase. Et dans ce moment-là, tout ça a explosé. C'est le Big Bang. C'est une grande explosion, n'est-ce pas? Et toutes les choses dans l'univers sont en expansion aujourd'hui. Donc, à cause de cette idée, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on s'appelle le fond diffus cosmologique. C'est à cause du Big Bang. C'est les rayonnements électromagnétiques qui sont dans tout l'univers à cause du Big Bang. Et dans 1964, on a découvert le fond diffus cosmologique qui confirme que c'est le Big Bang. Pardon? Le quoi? C'est 1964. Oui, oui, oui. Le fond diffus cosmologique. Merci. Le fond diffus cosmologique. C'est à cause du Big Bang. Mais ce n'est pas assez. parce que les scientifiques, selon les scientifiques, c'est difficile d'accepter cette idée. Le Big Bang, en fait, ça fait peur pour les scientifiques. Pourquoi? Si le Big Bang est correct, ça veut dire que l'univers a un commencement. Et tout le monde sait, s'il y a un commencement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait le commencement, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu existe vraiment. Et cette idée, ça fait peur aux scientifiques. En fait, au commencement du XXe siècle, tous les scientifiques ont cru qu'il n'y a pas un début pour l'univers. Tous les scientifiques ont cru que l'univers a existé pendant toujours. Donc c'est une idée difficile pour les scientifiques. Mais en plus, en 1992, il y a les autres données qui viennent d'un satellite qui s'appelle COBE, c'est un satellite de NASA. Et dans ce moment-là, il y a beaucoup plus des données qui viennent de cet satellite. Et on a découvert que dans ce fond diffus cosmologique, il y avait les très petites variations, mais c'est très important parce que c'est la preuve observationnelle qu'on cherche pour le Big Bang. Donc, c'est la fin. Selon les données, il faut que le Big Bang est correct. Et dans ce moment-là, il y avait beaucoup de scientifiques qui ont cru en Dieu à cause de ces données. Parce que ça veut dire que le Big Bang est correct, donc ça veut dire que notre univers a un commencement vraiment. Et tout le monde sait, s'il y a un commencement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a démarré l'univers. Donc ça veut dire que Dieu existe vraiment. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont cru en Dieu en ce moment-là. C'est très important. Donc, on peut dire que le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa l'univers entier, et ça s'accorde bien avec la science, comme ça. Donc, on regarde le reste du texte. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiées dans ce texte. C'est comme un rêve pour les scientifiques, parce qu'avec beaucoup de détails, c'est possible de tester et de confirmer ce texte, mais on regarde comme le texte est méticuleux. Dans le deuxième verset, on lit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, pendant que le premier verset se concerne avec l'univers entier, le deuxième verset se concerne avec la terre, seulement la terre. Et après ce verset, le passage se concerne seulement avec la terre, après cela. Mais on regarde quelque chose qu'on appelle l'état initial. L'état initial de la terre, c'est une idée très importante selon les scientifiques. Et qu'est-ce qu'on regarde dans le texte? La terre était informe et vide. Informe et vide. Dans le contexte du reste du passage, ça veut dire que la terre était sans vide. Sans la vie, et c'était incapable de soutenir la vie. Et si on regarde, il y avait des ténèbres à la surface de la vie, donc c'est dans l'obscurité. Et aussi, l'être de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Donc c'est tout mouillé. Il y avait, c'est comme une transition dans la terre, dans la surface de la terre. Donc c'est l'état initial de la terre avant que Dieu commence à créer la vie dans la terre. C'est dans l'obscurité, c'est mouillé et il n'y avait pas de vie. Et ce n'est pas possible de soutenir la vie dans la terre dans ce moment-là. Selon la science, c'est correct. Dans notre modèle de formation des systèmes planétaires, on sait qu'au commencement, la terre est dans l'obscurité. C'est à cause de cela que notre système planétaire s'est formé. Il y avait beaucoup de la poussière. Et c'est de cette poussière que notre soleil s'est formé et commencé avec la lumière. Et il y avait beaucoup plus de poussière. Et c'est de cette poussière que les planètes se forment. Comme ça. Donc, dans le moment quand la Terre s'est formée, il y avait beaucoup de la poussière entre la Terre et le Soleil. Non, au commencement de la Terre était dans l'obscurité. Le Soleil est avec la lumière, mais beaucoup de la poussière, donc ce n'est pas possible de voir cette lumière de la Terre en ce moment-là. Donc, ce fait est en accord avec la science et la Bible. Et aussi, selon notre. On connaît qu'au commencement de la Terre, c'est mouillé. Il y a beaucoup d'eau qui couvre la Terre. Et aussi, ce n'est pas possible pour la Terre de soutenir la vie au commencement de la Terre. Donc, toutes les choses s'accordent avec la science. On a aussi une autre chose très importante dans le deuxième verset. C'est le point de vue. Le point de vue, c'est comme ça. L'Esprit de Dieu se mouvait d'au-dessous des eaux. Donc, où est Dieu? Il est dans la surface de la terre et l'Esprit de Dieu reste à la surface de la terre. C'est le point de vue de cette passage et c'est très important. C'est comme ça. C'est comme il y a une caméra vidéo qui reste à la surface de la Terre. La caméra peut focaliser sur la Terre, elle peut focaliser sur le ciel, mais la caméra reste dans la surface de la Terre. C'est parce que c'est Dieu qui raconte cette histoire, n'est-ce pas? Dieu, c'est la seule personne qui est présente pour les choses, donc c'est Dieu qui raconte l'histoire, donc c'est raconté du point de vue de Dieu, quand il est dans la surface de la Terre, comme ça. Et le point de vue, c'est très important selon les scientifiques. Par exemple, maintenant, dans mon point de vue, il y a beaucoup de gens dans cette salle. Merci beaucoup pour assister. Bonjour tout le monde. Mais maintenant, je vais changer mon point de vue, comme ça. Ah, si je suis en face comme ça, dans une autre direction, selon moi, c'est seulement moi dans cette salle, oui. Je peux voir moi-même, et je vois le mur, et c'est tout. Donc, selon mon point de vue, maintenant, c'est seulement moi. Ah, bonjour. De mon point de vue, maintenant, si je suis en face comme ça, et la salle est remplie des gens. Donc, les événements ne changent pas. Mais, quand le point de vue change, le compte rendu qu'on écrit change. Oui? Donc, le point de vue, c'est très important pour. Le compte rendu, c'est. Oh, pardon. Le compte rendu, c'est très important pour comprendre le compte rendu. Le point de vue, c'est très important. Donc, merci. Ça, il y en aura deux. Ça marche. C'est pas un problème. Donc, il faut qu'on se souvienne de ce point de vue dans ce passage. Et pour les gens modernes, c'est comme une caméra vidéo. Donc, ils se souviennent comme ça. Donc, on commence avec les jours de la création. Les jours de la création commencent avec verset 3. Ça marche? Oui. Bonjour, bonjour. Ah, il n'y a pas de pile. Ah, pas de problème. Je vous fais comme ça. Ah oui, ça marche. Merci. Donc, les jours de la création commencent dans le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il est un soir, il est un matin, ce fut le premier jour. Donc, dans le premier jour, on lit que la lumière soit et la lumière fut. Où est la lumière? Où est cette lumière? Est-ce que c'est dans l'univers entier? Est-ce que c'est dans la Terre? Est-ce que c'est dans notre système planétaire? Où est cette lumière? Pour répondre à cette question, il faut qu'on réponde à une autre question. Où sont les ténèbres? Oui, la lumière, c'est pour remplacer les ténèbres. Donc, où est les ténèbres? Où sont les ténèbres? On lit dans le deuxième verset, Il y avait des ténèbres, il y avait des ténèbres où? À la surface de la terre. Oui, à la surface de la terre. Donc la lumière, c'est pour remplacer les ténèbres. C'est pour remplacer les ténèbres à la surface de la terre. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est dans la surface de la terre. Et aussi, il faut qu'on se souvienne le point de vue de ce passage. Le point de vue de ce passage, c'est comme on a une caméra vidéo. Donc, c'est là notre caméra vidéo. Ça commence avec la lumière à la surface de la terre, comme ça. Donc, on regarde, oui, c'est le premier jour. Et selon la science, probablement, c'est à cause de cela. Il y avait beaucoup de poussière dans notre système planétaire, c'est formé beaucoup de poussière entre le Soleil et la Terre. Mais de temps en temps, il y avait les rayonnements du Soleil qui poussent la poussière, comme ça. Et aussi, la poussière est attrapée par les planètes. Donc, il faut que la lumière peut être dans la surface de la Terre après cela. Donc, c'est possible de voir la lumière, mais ce n'est pas possible en ce moment-là de voir le Soleil, la Lune, les étoiles. C'est comme le ciel est rempli de nuages parce que notre atmosphère était plus dense en ce moment-là. Donc, pensez d'une journée avec beaucoup de nuages. Donc, on peut regarder, oui, c'est un lumière, mais ce n'est pas possible de voir le Soleil exactement comme ça. Donc, c'est en accord avec la science. Et on regarde le deuxième jour de la création. Dans le deuxième jour de la création, ça commence avec verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y est un soir et il est un matin. Ce fut le second jour. Donc, dans le deuxième jour, on a comme ça. C'est une étendue qui sépare les eaux. Il y a les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et les eaux sont au-dessous de l'étendue. Selon la science, c'est probablement à cause de la lumière. Parce que après, la lumière commence, la lumière éclaire la terre. Après ce moment, la lumière peut faire évaporer les eaux. Avec la lumière, l'évaporation commence. Donc, ça veut dire que les nuages forment et c'est séparé que les eaux sont hauts, comme ça. Donc, le deuxième jour, ça corde bien avec la science. Dans le troisième jour, on lit, ça commence verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que la partie sèche paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela la partie sèche terre et il appela l'ensemble des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant et de la semence, des arbres fruitiers donnant de fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant et de la semence selon son espèce, et les arbres donnant de fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin sur le troisième jour. Donc, dans le troisième jour, il y a deux choses très importantes. La partie sèche apparaît, ça veut dire qu'il y a la terre sèche qui apparaît. Et puis, après cela, il y a les plantes. Du coup, il y a les plantes. Et selon la science, c'est très intéressant parce que on sait que les plantes ont besoin de trois choses en particulier. Les plantes ont besoin de la lumière et aussi de l'eau et aussi de la terre sèche. Et c'est après ces trois choses que Dieu a fait que les plantes commencent. Dans le premier jour, on a la lumière. Puis, dans le deuxième jour, on a l'eau, les nuages, donc on a la pluie, comme ça, pour les plantes. Et dans le troisième jour, la partie sèche passe. Et après toutes ces choses, du fait qu'il y a des plantes dans la terre. Donc, c'est un accord avec la science. Ça marche. Donc, on commence avec le quatrième jour. Excusez-moi. Le quatrième jour, c'est le plus difficile d'interpréter. Il faut qu'on se souvienne le point de vue de ce passage. Il faut qu'on se souvienne que c'est comme une caméra vidéo qui reste à la surface de la Terre et qui fait les enregistrements comme ça. Et le compte rendu, c'est de ce point de vue, comme ça. Donc, on commence avec le quatrième jour. Ça commence dans verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il serve de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a son soir et il est un matin, c'est le quatrième jour. Donc, ce jour commence avec le soleil, la lune, les étoiles, comme ça. Mais le texte, selon le texte, il y a des raisons d'être pour le soleil, la lune et les étoiles. Par exemple, dans verset 14, on lit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel. Pourquoi? C'est pour... Oui, c'est pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour cela, dans verset 15, on lit. Excusez-moi. Dans verset 15, on lit. C'est pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Dans le verset 17, on lit. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour. Pourquoi? Oui, c'est pour éclairer la terre. Et dans le verset 18, c'est pour présider aux gens et à lui. Et pourquoi? Oui, c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, je pense qu'il y a un écho. C'est pas dans la salle, mais c'est dans le texte. C'est un écho, il y a beaucoup de parallèles entre le quatrième jour et le premier jour. Donc, Dieu a déjà éclairé la terre, n'est-ce pas? Dieu a déjà éclairé la terre, c'est dans le premier jour. Dans verset 3, on lit, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et, comme on avait discuté, c'est dans la terre. Donc, Dieu a déjà éclairé la terre. Dans le premier jour. Et Dieu a déjà séparé la lumière d'avec la ténèbre. C'est dans le premier jour aussi. Au verset 4, on dit Dieu sépara la lumière d'avec la ténèbre. Donc, c'est achevé. Déjà. Et Dieu a déjà séparé le jour d'avec la nuit. Dans le verset 5, dans le premier jour, on dit Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Donc, ça veut dire qu'il a séparé la jour d'avec la nuit. Non, toutes ces choses furent achevées dans le premier jour. C'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles existaient déjà dans le premier jour. Parce que dans le quatrième jour, on dit que c'est les raisons d'être pour le soleil, la lune et les étoiles. Donc, selon le texte, il faut que le soleil, la lune et les étoiles existaient déjà sur le premier jour, et probablement avant ce jour, comme ça. Donc, pourquoi il y a donc le quatrième jour qu'on lit le soleil, la lune et les étoiles? Il faut qu'on se souvienne du point de vue de ce passage. Avant le quatrième jour, le ciel, c'est comme ça, c'est comme des remplis de nuages. Donc, on peut voir la lumière, mais ça, c'est pas possible de voir exactement le soleil ou les étoiles comme ça. Donc, c'est dans le quatrième jour que, selon notre caméra vidéo, c'est le jour où on peut voir, on peut focaliser sur le ciel et on regarde, oh là là, c'est un soleil, c'est la lune, c'est les étoiles. Donc, et l'auteur du passage fait beaucoup de parallèles, beaucoup de répétitions pour communiquer cette idée. Donc, il faut qu'on se souvienne le point de vue. Et la science, qu'est-ce qu'elle dit dans ce sujet? Selon la science, ça marche bien. C'est à cause des plantes. Les plantes ont fait un échange dans l'atmosphère. Les plantes font qu'il y avait de moins en moins dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais les plantes font aussi qu'il y avait de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, ça change l'atmosphère. Ça change. Donc, avant les plantes, c'est difficile de regarder quelque chose à travers de l'atmosphère, mais les plantes changent l'atmosphère pour éclairer l'atmosphère, et après cela, le ciel devient transparent. C'est possible de voir dans ce jour le soleil, la lune et les étoiles, comme ça. Donc, selon notre caméra vidéo, si on dit vite, c'est entièrement correct, ce passage, comme ça. C'est le jour quand notre caméra regarde le soleil, la lune et les étoiles. Donc, on regarde le cinquième jour. Dans le cinquième jour, ça commence dans verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Je m'ai trompée, désolé. Ça commence avec verset 20. Oui, le cinquième jour. Oui, Dieu dit que les hommes produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les hommes produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il est en soir, il est en matin, ce que le cinquième jour. Donc, dans le cinquième jour, il y a beaucoup des animaux marins, et aussi des oiseaux. C'est comme ça. C'est plus facile que le quatrième jour, n'est-ce pas? Dans le sixième jour, ça commence avec le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des petites bêtes et des animaux terrestres selon leur espèce. Et c'est là que tu signe. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et toutes les petites bêtes de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les petites bêtes qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjugez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout aliment qui se mouvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant de lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout aliment de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'y mouve sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a son soir et le matin, ce fut le sixième jour. Donc, dans le sixième jour, il y avait deux choses en particulier très importantes. Le texte se concerne au premier avec quelques animaux de la terre. Les types des animaux ici, c'est des mammifères terrestres. Dans des trous, c'est le mot nefesh, c'est un type d'animaux. Donc, c'est les mammifères terrestres qui ont des interactions avec les êtres humains. C'est un type d'animaux particulier. Après cela, Dieu créa l'homme à son image. Et aussi, c'est aussi très important, les êtres humains sont différents des animaux, selon le texte, parce que les êtres humains sont à l'image de Dieu. On regarde ce passage, quand Dieu créa les êtres humains, c'est un mot particulier, dans les groupes, c'est le mot « bara ». Et seulement Dieu peut faire « bara » quelque chose, c'est seulement Dieu. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de nouvel avec les êtres humains. La chose nouvelle est que les êtres humains sont spéciaux, nous sommes dans l'image de Dieu. C'est-à-dire que les êtres humains ont des esprits éternels. Donc Dieu barra les hommes comme ça. Et dans le septième jour, c'est différent. Les six jours de la création ont beaucoup de parallèles. Les six jours de la création, avec chaque jour, ça commence avec Dieu dit quelque chose. Et les choses ont fait. Puis, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour, comme ça. Donc, les six jours de la création est entre les parallèles comme ça. Le septième jour, c'est entièrement différent. On lit à la Genèse chapitre 12e, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la saison. » Donc, c'est différent. Et, il n'y a pas un fin dans le texte sur le septième jour. C'est la fin des jours de la création. On a aussi la question, qu'est-ce que c'est le temps de ces jours, n'est-ce pas? C'est une chose importante. Et dans l'hébreu, comme vous savez, le mot jour dans l'hébreu, c'est le mot yom. Et le mot yom, on peut traduire ce mot. Il y a trois traductions littérales pour le mot yom. Une traduction littérale, c'est le mot jour. Ça veut dire à peu près 24 heures, comme ça. C'est une traduction littérale de ce mot. Une autre traduction littérale, c'est les heures de la lumière pendant la journée. Donc, le jour et pas la nuit, comme ça. C'est une traduction littérale aussi, les heures de la lumière, les heures de la lumière dans la journée. Il y a aussi une troisième traduction littérale. La troisième traduction littérale de ce mot yom, c'est une époque, comme ça. Selon moi, ce sont les six époques, mais aussi il y a les autres chrétiens qui pensent que le mot yom, qu'on doit traduire ce mot comme un jour, comme 24 heures. Il y a beaucoup de choses écrites dans ce sujet, et si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez à moi après la conférence. Selon moi, c'est une traduction littérale, donc les six époques, ça marche. c'est la fin de l'ordre chronologique dans le texte. Et on regarde que cet ordre chronologique, selon la science, c'est correct. Et selon moi, c'est incroyable. C'est pas possible que Moïse l'a écrit lui-même. C'est pas possible. Parce qu'on regarde dans le texte, 11 choses différentes dans un ordre chronologique correct. Donc c'est comme ça. Si je vous donne 11 choses et je dis range les 11 choses dans un ordre correct. il y a combien de choses, il y a combien de combinations pour ranger ces choses? On peut faire les calculs mathématiques, vite, non? Il y a 40 millions différents chemins pour ranger 11 choses. C'est comme ça. On prend 11 et multiplie par 10 et multiplie par 9, comme ça. Ah, si vous avez des questions, demandez-moi à la fin de la conférence. Mais en fait, il y a 40 millions de chemins différents pour ranger 11 choses. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que c'est la probabilité que Louis peut faire cela lui-même correctement? La probabilité est une chance par 40 millions. Une chance par 40 millions, c'est magnifique. Donc, c'est pas possible que c'est Moïse qui l'a fait lui-même. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas aucune civilisation qui comprend toutes les choses avant le 20e siècle. C'est dans le 20e siècle qu'on a découvert la fin des choses. Donc, ça veut dire que le texte s'est écrit par Moïse, mais les infos viennent de Dieu lui-même. Il faut que c'est Dieu qui a créé ce passage. Donc c'est magnifique. Ça veut dire que la Genèse vient de Dieu lui-même. Et c'est pas possible que c'est les êtres humains qui a fait ce passage. Donc c'est la fin. Merci de votre attention. Et s'il vous plaît, demandez-moi les questions. Pardon? À un moment donné, vous avez parlé de du soleil. Oui. Que la Terre, elle était dans l'obscurité, qu'il y avait beaucoup de poussière, et je n'ai pas compris, le soleil s'est formé. Ah oui, dans le texte, il faut que le soleil existe dans le premier jour. Mais ça veut dire que c'est possible, selon le texte, c'est possible que Dieu a créé le soleil dans le premier jour ou avant le premier jour. C'est pas spécifié par le texte. Selon la science, on sait que on peut placer cette création dans le premier verset. Dans le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa l'univers entier, et dans le deuxième verset, la terre était en forme vide. Donc, c'est avant le deuxième verset. C'est avant cela que Dieu a créé la Terre. Et selon notre modèle de la formation des systèmes planétaires, il faut aussi que l'étoile, notre étoile, le Soleil, sont faits avant la Terre. Donc, selon la science, on peut placer la création du Soleil et de la Terre dans le premier verset. C'est comme ça. Merci pour la question. C'est une bonne question. Comment est-ce que vous avez les deux passages de la création? Parce qu'il y a deux, il y a aussi dans le chapitre 2 le deuxième texte sur les créations. C'est un autre compte rendu et c'est très important aussi. Ça commence avec, c'est le deuxième chapitre, verset 4. Et j'ai pas dans le français, mais c'est comme ça. Voici le compte rendu des cieux et de la terre quand c'est créé, c'est à peu près comme ça. Et le mot hébreu pour ce compte rendu, c'est un mot qui connaît que vous avez lu le premier compte rendu. Donc c'est un compte rendu qui suit une autre compte rendu. Donc, le compte rendu dans le deuxième chapitre, il faut qu'on se souvienne le premier compte rendu. C'est comme ça. Donc, selon l'auteur de la texte, il n'y a pas de contradiction entre les deux, entre les deux comptes rendus. Pour compléter ou bien... Ah oui, c'est pour compléter. C'est pour expliquer en plus le sixième jour. C'est plus d'informations pour le sixième jour, parce que on dit que beaucoup d'informations sur la création de l'homme et de la femme comme ça, et le jardin d'Éden. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas normal qu'il y a deux sexes qui... Deux sexes, oui. On peut se contenter d'un seul. Oui. Mais c'est pour expliquer en plus le sixième jour. Le premier chapitre de la Genèse, c'est très particulier, c'est très méticuleux. C'est un compte-rendu qui se concerne avec les six jours. Donc, si on a besoin d'expliquer en plus le sixième jour, il faut qu'on ait un autre compte-rendu. Et il y a un autre exemple de cette type de compte-rendu qui suit un autre compte-rendu, c'est qu'on a, j'ai oublié la chapitre, mais probablement c'est le chapitre 4e ou 5e de la Genèse, quand ça commence avec Adam et son fils Seth. Mais où sont les autres fils, n'est-ce pas? Où sont les autres fils dans cet autre compte-rendu? Non, c'est le même mot dans l'hébreu pour un compte-rendu qui suivit un autre compte-rendu. Donc l'auteur sait que vous avez déjà lu cet autre compte-rendu. Et il faut qu'on regarde, oui, tous les compte-rendus ensemble, comme ça. Oui, une autre question. Oui, je voudrais vous féliciter pour votre tentative qui sont les énièmes dans l'humanité de rassembler deux choses qui, à mon avis, restent encore antinomiques. Ah, antinomiques. Antinomiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se raccorder. Qu'ils ne peuvent pas se raccorder. Ah oui? Pour l'instant, en tout cas. Moi, j'ai fait aussi la tentative. Et pour l'instant, c'est très difficile d'assembler. Cette discussion existe depuis Aristote et Platon, ils sont encore avant. Et alors, pour venir au texte vraiment et à votre conférence qui est en elle-même très bien, à mon avis, très bien structurée, mais malgré tout, si je peux porter la contradiction, à mon avis, dès que dans la lumière, de toute façon, elle existe de toujours. Si on part du Big Bang, la lumière existe de toujours. Cette lumière que Dieu, comme dit la Bible et comme dit, a séparée, en vérité, c'est nous qui les séparons. Pour Dieu, la lumière existe depuis toujours et la terre, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes où là en ce moment? C'est la lumière on est deux jours en ce moment, d'accord? Mais au moment où nous parlons, de l'autre côté de la terre, c'est la nuit. Donc cette séparation, elle n'est pas tellement évidente. En fait, il n'y a pas de séparation, il y a simplement un point de vue, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est vrai, oui. Un point de vue qui a changé. Oui. Mais, comme vous disiez aussi tout à l'heure, quel que soit le point de vue, les éléments qui sont là, même si mon point de vue est là, les éléments de là sont là. Et même si mon point de vue est là, bon, les éléments qui sont là. Alors, je ne vais pas, si vous voulez, je voudrais bien, si vous voulez, développer tout ça, parce que ça fait 70 ans que j'essaie de voir clair. Et c'est pas même pas qu'on va résoudre cette question. Mais simplement, je voudrais mettre un bémol. Bon, je veux pas trop. Je veux mettre un bémol parce qu'il y a beaucoup de savants, comme vous dites, qui sont troublés. C'est vrai que l'ignorance effraie. C'est vrai que la connaissance peut effrayer. Et c'est vrai aussi que c'est pas parce qu'on est effrayé ou qu'on n'est pas effrayé que les éléments n'existent pas et qu'il ne faut pas les regarder. Et je voudrais apporter à ce que je dis. Si vous parlez un peu lentement, je peux comprendre. Je voudrais donner une citation qui m'a toujours étonné. Mais ils contraduisent. Vous parlez lentement. Si vous parlez lentement, je peux comprendre. Alors, pour finir, si vous voulez, parce qu'on ne va pas maintenant décortiquer tout ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit. En général, de toute façon, la Bible est une des premières tentatives d'expliquer ce monde. Elle explique pour ce qu'il y avait à cette époque, du mieux qu'elle peut, et le mieux qu'il y a eu jusqu'ici. Bon, je ne suis pas anti-Bible, c'est pas ça du tout. Mais je voudrais donner une citation, c'est celle d'Einstein, qui lorsqu'il a découvert qu'il a découvert que le monde, comme vous disiez tout à l'heure, était en expansion, non seulement en expansion permanente, mais en plus accélérée. Oui. Plus accélérée. Oui. Bon. Mais, tout génie qu'il fut, il a toujours été tenu au fond de lui-même, en dépit de tout ce qu'il a dit, il a toujours été tenu par le judaïsme, et il a dit, il est impossible que le monde soit en expansion. En d'autres termes, Dieu pour lui, sans même qu'il le comprenne, peut-être, je ne sais pas, dans sa tête évidemment, mais je me dis que ceci vient du judaïsme et de toutes les connaissances qu'on avait, les croyances qu'on avait jusqu'ici. Cet homme, Einstein, n'a pas pu admettre, d'après ses calculs mathématiques, pour ajouter, et d'après ses équations, ce sont ces équations qui l'ont amené à l'extension de l'univers. Et il a été obligé de créer de toutes pièces, et donc de déchirer ces équations. Il a été obligé de trouver une constante cosmologique. Il a pris deux je ne sais où pour casser ces équations qui étaient vraies, les rendre fausses, pour après plusieurs années se rendre compte que c'est ça. Donc si vous voulez, je veux simplement apporter un débat. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Non. Pas justement, mais la question, c'est la préparation, si vous voulez, entre une question parmi 100 autres, 100 000 autres, c'est la séparation de la lumière et de... Ah oui, oui, oui. Mais je suis en accord avec cette idée de le point de vue de la séparation. Mais il faut aussi qu'on se souvienne que Einstein, il a cru en Dieu. Il disait qu'il croyait que peu de scientifiques nous la tiennent et que beaucoup nous en rapprochaient. Donc vous avez une autre question. Oui, je n'ai pas bien saisi quand vous avez expliqué la formation du soleil. Ah oui, excusez-moi. Ah oui, pas de problème. Donc, selon notre... Oui, c'est pour ça que je reviens dessus. Selon notre modèle pour la formation des systèmes planétaires, c'est comme ça. Ça commence avec un nuage avec beaucoup de poussière. Et de cette poussière, ça condense comme ça pour former le Soleil. C'est quand la poussière devient plus condensée, plus dense, le Soleil peut commencer avec la lumière, comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres poussières. Et de ces autres poussières, les planètes se forment comme ça. C'est à cause de la gravité. Oui. En fait, c'est la poussière qui crée la forme, la silhouette. La silhouette. Je ne comprends pas. La densité de la poussière, elle va créer la forme de la lumière. Ah, oui, ah, c'est comme ça. La poussière est attractée, oui, c'est attractée par la gravité. Par la gravité, et donc c'est comme ça, ça devient plus dense, et quand c'est plus dense, ça commence avec les réactions nucléaires. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la question? Oui. Et ça commence à